laisse-moi me cacher en toi. Laisse l'eau laver le sang, les couleurs de tes veines, être double rêve de me sauver, me rendre pur. Que mon âme vive à jamais, que mon âme. C'est la route de mon péché, et m'expose dans ta vie. Au chef-d'œuvre, pendu pour moi, laisse-moi me cacher en toi. Que mes larmes coulent à jamais, que mon âme tes mains me répondent dans ton esprit, me foulant la main de ce monde.